tu nourris ma douleur, mes peines, tout mon malheur. Au fond, ma vie, tu mon cœur, mon âme et mon bonheur. Tu affaiblis ma lueur. Je n'ai ouvert pour paraître rien dans la tête, bien trop bête, remplie du monde et sa roue. Merci à toi, je te dois tout ce que tu n'as pas pris en moi. Coulant bien droit, tu m'as tiré. Anorexie, tu as battu.